Christine Anderson au Parlement européen. Je ne me ferai pas vacciner. À la fin de l'année 2021, la députée AfD, Christine Anderson, a fait un discours impressionnant au Parlement européen, dans lequel elle a vertement critiqué la vaccination expérimentale Covid-19. Elle a remis en question les intentions des gouvernements et a conseillé de mettre en lumière leurs intérêts cachés. Christine Anderson a affirmé qu'elle ne se ferait certainement pas vacciner si ça devenait obligatoire, puisqu'elle est un être humain libre, même non vacciné. Voyez maintenant un extrait de 2 minutes. Whenever a government claims to have the people's interest at heart, you need to think again. In the entire history of mankind, there has never been a political elite sincerely concerned about the well-being of regular people. What makes any of us think that it is different now? If the age of enlightenment has brought forth anything, then certainly this. Never take anything any government tells you at face value. Always question everything any government does or does not do. Always look for ulterior motives and always ask cui bono, who benefits. Whenever a political elite pushes an agenda this hard and resorts to extortion and manipulation to get their way, you can almost always be sure your benefit is definitely not what they had at heart. As far as I'm concerned, I will not be vaccinated with anything that has not been properly vetted and tested and has shown no sound scientific evidence that the benefits outweigh the disease itself and possible long-term side effects, which to this day we don't know anything about. I will not be reduced to a mere guinea pig by getting vaccinated with an experimental drug. And I will most assuredly not get vaccinated because my government tells me to and promises in return I will be granted freedom. Let's be clear about one thing. No one grants me freedom, for I am a free person. So I dare the European Commission and the German government. Throw me in jail, lock me up and throw away the key for all I care. But you will never be able to coerce me into being vaccinated if I, the free citizen that I am, choose not to be vaccinated. Il va sans dire que ça chauffe dans les sphères politiques, spécialement pour la question de la vaccination obligatoire. Une grande partie de la population est contrariée, se sent trompée et est irritée, car les milieux gouvernementaux ne font rien d'autre que de présenter les experts mandatés par eux-mêmes et bloquent les débats ouverts, l'écoute et la prise en compte de tous les avis, y compris ceux des experts qui représentent une opinion contraire. L'appel pour une séparation claire des pouvoirs politiques, économiques et médiatiques devient de plus en plus fort. En plus de cela, personne ne devrait profiter d'une crise qui concerne l'humanité entière. Mais actuellement, ce qui se passe, c'est justement l'exploitation gigantesque de la population dans des proportions inimaginables, entre autres par le biais des vaccins Covid-19. De plus en plus, les gens se rendent compte de cela, deviennent méfiants et se mettent en colère. Pour cette raison, les gens descendent de plus en plus nombreux dans la rue et n'acceptent plus qu'on les muselle, qu'on les sépare et qu'on les enferme. Conclusion, les signes des temps semblent s'orienter vers des changements profonds.